Gorillaz, nouvel album Cracker Island. Le quatuor virtuel mené par Damon Albarn s'entoure de featuring d'exception sur un 8e album exaltant et optimiste. Gorillaz, nouvel album disponible dès maintenant. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une chasse à l'homme lancée par les États-Unis en Amérique centrale à quelques jours de Noël, l'opération Just Cause. À la fin du mois de décembre 89, l'Europe et l'Union soviétique ont les yeux rivés sur la Roumanie, là où une insurrection populaire menace de renverser le régime du dictateur Nicolae Ceaușescu. Mais au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, Manuel Noriega, petit homme colérique, alcoolique et cocaïnomane, tout à la fois agent de la CIA et fidèle allié des services secrets cubains, dirigeant autoritaire et autocratique du Panama, doublé d'un trafiquant de drogue, décide, lui, de déclarer la guerre aux États-Unis. Erreur de jugement, évidemment. On ne s'attaque pas à la première puissance militaire mondiale. Et ce qui devait arriver arrive, George Bush père envahit le Panama. Mais malgré une débauche de moyens, cette invasion tourne au fiasco. Plongés dans l'impasse, les Américains vont se retrouver contraints d'appeler à l'aide le pape Jean-Paul II. Et, plus surprenant encore, ils vont avoir recours au riff des Rolling Stones, notamment, pour mettre la main sur Noriega. Notre invité aujourd'hui, Gaspard Estrada, politologue, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Last Friday, Noriega declared his military dictatorship to be in a state of war with the United States. Vendredi dernier, Noriega a fait savoir que sa dictature militaire se considérait en état de guerre avec les États-Unis et a publiquement menacé la vie des ressortissants américains au Panama. En tant que président, je n'ai pas de responsabilité plus importante que celle qui consiste à sauvegarder la vie des citoyens américains. Mercredi 20 décembre 1989, scène d'apocalypse dans les rues de Panama City. D'ordinaire, l'hiver dans les Caraïbes est moite, doux et silencieux. D'ordinaire. Car ce matin-là, les habitants de la capitale du Panama se réveillent au rythme des rafales de mitrailleuses, des sirènes d'alerte et du grondement des véhicules blindés. Dans le ciel plane une autre menace, celle de dizaines de silhouettes sombres qui jouent à cache-cache avec les nuages, en réalité des hélicoptères de combat. Ici et là, des colonnes de fumée ocre s'échappent de plusieurs bâtiments gouvernementaux. Les téléphones ne fonctionnent plus, la radio-télévision n'émet plus. Un éléphant vient d'entrer dans un magasin de porcelaine et semble bien décidé à tout casser. Voilà comment le correspondant du Washington Post décrit les premières heures de l'opération d'invasion des États-Unis au Panama. Nom de code, Just Cause. En français, bonne conscience. Une formule qui fait réagir le consul du Panama à Paris, qui sur France Inter dénonce cette opération militaire. Moi, je trouve cette situation épouvantable vis-à-vis les droits de l'homme et les droits d'un peuple. L'essence de la démocratie américaine, surtout envers l'Amérique latine, c'est être d'accord avec eux. C'est ça, pour les Américains, la démocratie. Ils décident qui doit être président dans un État latino-américain. Longtemps tenu en échec dans ses cuits leur arrière-cour en Amérique centrale par le Panama et son dictateur Manuel Noriega, Washington s'autorise cette fois à jouer la carte du droit d'ingérence et à venir faire un grand ménage. Dans les colonnes du New York Times, un porte-parole du Pentagone livre les premiers détails sur cette opération d'invasion. Des informations qui illustrent la foudre qui vient de s'abattre sur le Panama. Au total, l'armée américaine mobilise plus de 27 000 soldats. C'est une première depuis la déroute et le naufrage des États-Unis au Vietnam 14 ans plus tôt. Dans les airs, au-dessus du Panama, l'US Air Force déploie des avions de chasse furtifs à capteurs infrarouges pour traquer et neutraliser Noriega de jour comme de nuit. En mer également, les Américains font étalage de leur puissance. Des sous-marins nucléaires d'attaque ont reçu pour ordre de couler tout navire ou submersible qui tenterait de s'échapper des côtes du pays sans autorisation. Résultat, le Panama, petit territoire qui relie le nord au sud du continent américain et dont la superficie est à peine deux fois supérieure à celle de la Belgique, se transforme en champ de bataille, en théâtre de guerre. Face à la presse, le ministre de la Défense des États-Unis, Dick Cheney, rappelle que cette mission vise avant tout à mettre hors d'état de nuire un dictateur sanguinaire. Saving American lives, protecting American interests under the Canal Treaty. Nous sommes venus pour sauver des vies américaines et restaurer la démocratie, mais aussi pour capturer Noriega et le traduire en justice. Depuis le milieu de la nuit, les forces américaines s'activent pour prendre contrôle de tous les sites stratégiques du Panama, et en particulier les ponts, les routes et surtout les terrains d'aviation, histoire d'empêcher Noriega de s'enfuir pour Cuba ou le Nicaragua. 15 minutes avant le déclenchement officiel de l'invasion, 2000 hommes des commandos parachutistes de l'Air Force sautent sur l'aéroport de Panama City. Ils en prennent le contrôle en moins d'une heure. Et c'est ici que viennent ensuite se poser des avions de transport de troupes américains avec dans leur cale blindés d'infanterie, soldats et bien sûr agents de la CIA. Au même moment, la prise de l'aérodrome de Rio Hato, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, s'avère, elle, plus chaotique. Sur les 700 rangers américains qui sont parachutés dans la brume, une cinquantaine sont blessés, 4 autres sont tués. Sur place, les Américains font face à une résistance qu'ils n'avaient pas prévue. Et leur victoire, pour l'instant, n'est due qu'au manque de munitions de l'adversaire. Côté panaméen, en l'espace de quelques heures, c'est un véritable carnage. Selon les ONG, plusieurs centaines de soldats sont tués et il y a autant de victimes parmi la population civile. Quant à Noriega, il reste pour le moment introuvable. Lui, qui quelques semaines plus tôt fanfaronnait encore face à la foule, expliquant qu'il n'avait pas peur des Américains, semble avoir disparu des écrans radars. Je le dis maintenant aux Américains, arrêtez de me menacer, car la mort ne me fait pas peur. Près de la capitale, le quartier général et le camp de la garnison des forces de défense panaméennes sont à leur tour pulvérisés par des dizaines de bombes. L'onde de choc se répand aux immeubles environnants. Certains s'effondrent, d'autres prennent feu. Aux protestations internationales, l'Amérique du président Bush ne répond rien. Pour les stratèges de la Maison-Blanche, seul compte l'opinion américaine, et celle-ci soutient massivement l'invasion. Un sondage diffusé par la chaîne d'information CNN affirme que 91% des Américains sont favorables à l'opération Just Cause. Mais pour l'instant, cette spectaculaire opération de police internationale pour arrêter un dictateur reste un échec. Au terme de cette première journée d'invasion, et alors qu'ils y sont engagés, et qu'ils ont engagé des moyens matériels les plus modernes et leurs meilleures unités d'élite, les généraux américains doivent se rendre à l'évidence, Noriega passe entre les mailles de leur filet. Joint par téléphone, le général français Étienne Coppel commente avec ironie la stratégie des États-Unis. Je crois que les moyens étaient largement suffisants. Ce qui apparemment a manqué, c'est l'effet de surprise qui aurait permis de faire une opération au coup de poing extrêmement rapide, de prendre le général Noriega et de régler le problème en laissant les Panaméens mettre en place le gouvernement qu'ils souhaitent. Alors, quand on n'a pas la surprise, eh bien, très rapidement, on est obligé de changer d'échelle et on embraye sur la situation que l'on voit actuellement, où le général Noriega est en fuite, où des unités dites régulières continuent à se battre dans la jungle et où l'arrivée au pouvoir du successeur du général Noriega est un peu entachée par le phénomène que ce nouveau gouvernement est arrivé dans les fourgons d'étrangers. Tout ça, c'est évidemment pas très très bon. Je ne dis pas que le président Bush pouvait faire beaucoup mieux. C'est vrai que le général Noriega est un triste personnage. C'est vrai qu'il trafiquait dans la drogue. C'est vrai tout ceci. Néanmoins, je peux vraiment pas dire que cette opération soit réussie. L'opération réussie se passe en quelques dizaines de minutes. Manifestement, on en est loin. En coulisses, experts et diplomates dénoncent une mascarade. D'après eux, sous couvert de vouloir éjecter un dictateur et réinstaurer la démocratie, les États-Unis tentent surtout de reprendre le contrôle du Panama pour garder la main mise sur son canal, attitude qui s'inscrit dans la tradition américaine en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Car il y a des dictateurs, aussi féroces soient-ils, comme Pinochet au Chili, par exemple, qui ne dérangent pas les Américains. Au contraire, s'exprime là le cynisme classique d'une première puissance mondiale. Et concernant le Panama, il y a avant tout le fameux canal, on l'a dit, long de presque 80 km, financé et construit par les États-Unis, l'ouvrage est l'objet de toutes les convoitises depuis son inauguration en 1914. Unique voie d'accès entre les deux océans, Atlantique et Pacifique, il est considéré par Washington comme un organe économique vital. Or, depuis les années 70, les Panaméens réclament que la souveraineté leur soit rendue sur tout le canal et sa zone environnante. Un traité signé 10 ans plus tôt entre le président américain Jimmy Carter et son homologue panaméen Torrijos prévoit que l'ouvrage revienne sous contrôle panaméen en 1999. Sur France Inter, le spécialiste de l'Amérique latine Alain Destex confirme l'aspect crucial et les enjeux géopolitiques sous-jacents du canal de Panama. Ce canal est d'une importance vitale à la fois sur le plan politique, stratégique et économique pour les Américains. Et en fait, on peut se demander si c'est Noriega qui brave les États-Unis ou si ce sont les États-Unis qui n'ont plus les moyens d'imposer leur politique dans la zone. Et je crois que c'est ça l'intérêt. Qu'a fait Ronald Reagan ? Il a essayé d'obtenir le départ du général Noriega exclusivement par des sanctions économiques en refusant l'utilisation de l'armée américaine. On se demande si aujourd'hui, dans le contexte mondial actuel, avec Gorbatchev qui retire ses troupes d'Afghanistan, si les États-Unis sont encore capables d'imposer la fameuse politique du gros bâton au sud de leurs frontières. Pendant que les Américains mènent leur guerre au pas de charge et reprennent le contrôle du canal, dans les rues de Panama City, métropole de plus de 900 000 habitants, c'est le chaos. Les actes de guérilla, les pillages et incendies se multiplient un peu partout dans la capitale panaméenne. Des unités commando restées fidèles au dictateur Noriega harcèlent les blindés américains. Et pour traverser la ville, ces derniers sont contraints de se frayer un chemin entre les carcasses des voitures. Ralentis, les Américains sont alors la cible de cocktails Molotov. À quelques kilomètres de là, les forces spéciales de l'armée américaine donnent l'assaut à plusieurs résidences connues du général Noriega, mais sans jamais mettre la main sur lui. Non. À la place, les soldats découvrent un incroyable butin. De l'argent, beaucoup d'argent, on parle ici de plusieurs dizaines de millions de dollars en cash, mais aussi des armes, un véritable arsenal, avec même des lance-roquettes. Dans l'une des maisons de Noriega, aux allures de citadelle, les Américains découvrent également un bunker rempli de grands vins et de cognac. Monsieur Vigrantrain. Clou du spectacle, largement relayé dans la presse, les Marines tombent sur une série d'objets beaucoup plus surprenants et appartenant au général en fuite. Dans cette collection, des photos d'Hitler et de Kadhafi, un buste de Napoléon, une série de passeports vierges, et au milieu d'une immense collection de vinyles de musique classique, un lot d'affiches et de revues porno. Pour délier les langues et pousser la population à lâcher Noriega, l'ambassadeur des États-Unis à Panama City promet une récompense d'$1 million pour toute information sur le général. Et c'est là que la traque tourne à la farce. Car les Panaméens se ruent sur leur téléphone et appellent l'ambassade pour partager des informations plus saugrenues les unes que les autres. Certains affirment par exemple que Noriega est dans un bar et prend du bon temps avec une de ses maîtresses. D'autres prétendent qu'il s'est déguisé en femme et fait des courses au marché. Bref, tout le monde croit savoir où se cache Noriega et les Américains croulent sous les fausses pistes. À Washington, Jean-Luc Hess, le correspondant de France Inter, raconte. George Bush, qui est frustré depuis trop longtemps, veut, pardonnez-moi l'expression, vraiment la peau de Noriega, et il est prêt à émettre les moyens qu'il faudra. En tout cas, plus de 48 heures après le début de l'invasion, les opérations de nettoyage se poursuivent difficilement. Le travail est vraiment loin d'être facile pour les troupes américaines. Les bataillons de la dignité continuent de donner beaucoup de fil à retordre aux Marines qui sont déployés dans Panama City. Et ça fait évidemment tout ça des victimes. L'ambassade des États-Unis a même été la cible des fidèles de Noriega cette nuit à plusieurs reprises. Et les scènes de pillage se poursuivent dans le centre. Panama City, pour l'instant, est une ville ouverte, à savoir une ville sans aucune véritable autorité. Quant à Noriega, bon, il reste introuvable. pirates. La chasse à l'homme n'a pour l'instant donné aucune indication précise. Les Rangers qui sont chargés de le capturer affirmaient hier que le dictateur leur avait échappé sans doute de quelques minutes seulement, aussitôt après le début de l'invasion. Et puis depuis, pas de nouvelles. Le général Noriega est peut-être dans la jungle, peut-être aussi dans un des nombreux appartements qu'il possède à Panama City, peut-être tout simplement dans les locaux de l'ambassade de Cuba ou du Nicaragua. À tout hasard, les forces américaines ont d'ailleurs encerclé les locaux diplomatiques du Nicaragua, ce qui entraînait immédiatement une riposte de Daniel Ortega. Le leader sandiniste a encerclé à son tour l'ambassade des États-Unis à Managua. Ce que sait la CIA de sources vérifiées, c'est qu'au fil des années, Noriega est devenu complètement paranoïaque. Une paranoïa renforcée par sa surconsommation d'alcool et d'opioïdes en tout genre. Conséquence, craignant un attentat, le général ne dort quasiment jamais deux fois de suite au même endroit et a recours à des sosies. Enfin, hypochondriaque et par peur d'un empoisonnement, il ne mange que les plats cuisinés par la mère de sa maîtresse. L'histoire de cette partie de cache-cache au Panama, entre ville, plage et jungle, pourrait prêter à sourire. Oui. Sauf que cette guerre est une vraie guerre, avec son cortège de victimes civiles et de dommages collatéraux. Les ONG estiment que les bombardements américains font plusieurs milliers de morts et autant de blessés parmi la population panaméenne. Dans ce petit jeu du chat et de la souris, les Américains tirent sur tout ce qui bouge, et même sur leurs propres frères d'armes. À cette époque, le mauvais temps et les perturbations électromagnétiques rendent parfois difficiles les communications radio. Alors, dans les rues de Panama City, une patrouille de Marines, isolée du reste de son unité, aperçoit un petit commando en treillis, là, près du parking de l'hôtel Marriott. Les soldats américains ouvrent le feu, avant de se rendre compte que leur cible était américaine, des Marines. Pris au piège au milieu de cette fusillade, trois photographes de presse sont touchés par des tirs. L'un d'eux, un Espagnol, meurt sur place. Les deux autres sont évacués en catastrophe vers l'hôpital américain de Panama City, dont le grand photographe français, grand reporter de guerre, Patrick Chauvel. Touché à l'estomac, il échappe de peu à la mort. Quant à Noriega, personne ne sait où il se cache et s'il est même encore dans le pays. Cela ne l'empêche pas de s'exprimer. Les Américains sont des impérialistes et des piranhas qui veulent engloutir le canal de Panama. Nous attendrons assis sur les rives du canal de voir passer le cadavre de notre ennemi. You ain't no dancer. Aujourd'hui, chasse à l'homme au Panama. France Inter, affaires sensibles. La partie de cache-cache entre l'armée américaine et le général Noriega est probablement terminée au Panama. Le général dictateur trafiquant s'est présenté à la nonciature apostolique, autrement dit à l'ambassade du Vatican à Panama, où il a demandé l'asile politique. Cela met fin à la chasse à l'homme que quelques milliers de GI super-armés avaient entrepris depuis 5 jours. Mais cela ne résout pas vraiment le problème, même si George Bush se déclare soulagé. Dimanche 24 décembre 1989, Panama. Voilà effectivement 5 jours que les GIs ont envahi ce petit pays d'Amérique centrale et contrôlent son canal. 5 jours que les soldats américains traquent sans relâche le général Noriega. Si le rapport de force tourne sans conteste en faveur des États-Unis, les observateurs étrangers qualifient désormais l'opération d'invasion américaine de fiasco. Un petit général en fuite met à mal les forces de la première armée du monde, commente par exemple un éditorialiste britannique. En cette veille de Noël, les États-Unis du président George Bush vont pourtant avoir droit à une délicieuse surprise. Par un simple coup de téléphone, depuis une cabine publique, l'homme le plus recherché du Panama, le général Noriega, refait surface pour appeler à l'aide l'ambassadeur du Vatican à Panama City. D'ordinaire, Noriega ne demande rien. Il prend, s'adjuge, s'octroie. Jusque-là, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais plus maintenant, semble-t-il. Le nonce apostolique, Monseigneur Laboa, croit d'abord à une mauvaise blague. Et puis, il n'a pas pour l'habitude de traiter avec les criminels, et encore moins avec ceux qui commercent avec les cartels de la drogue. Alors, il refuse d'ouvrir les portes de son ambassade à Noriega. Mais ce dernier, lâché par ses derniers soutiens et désormais à court de solutions, insiste, menace et se lance même dans un odieux chantage. Si le nonce Laboa refuse de lui offrir l'asile, Noriega affirme qu'il déclenchera une guerre civile. Alors en catastrophe, Laboa appelle Rome. Après délibération, le pape Jean-Paul II donne son accord, mais il refuse de traiter directement avec Noriega. C'est donc dans ce contexte de très grande tension que quelques heures plus tard, en ce dimanche 24 décembre, deux nonnes partent chercher celui qui sera l'invité de dernière minute de la messe de Noël, Manuel Noriega. Bermuda bleue, t-shirt gris, casquette de baseball sur la tête, le dictateur au look grotesque débarque à l'annonciature avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs. L'ancien homme fort de Panama City a perdu de sa superbe, au point de se retrouver contraint d'accepter une chambre d'invité, ce qui veut dire sans air conditionné et sans télé, au deuxième étage de l'ambassade du Vatican, là où en plus il n'a aucune chance de se consoler avec des cassettes porno. En principe. En tout cas, le nonce s'engage dans une partie de bras de fer psychologique avec le général. Mon plan se résumait à convaincre Noriega que la meilleure solution pour lui était de se rendre. Et de le faire volontairement. Se rendre non pas au gouvernement américain, ni à un pouvoir militaire, mais à la justice des États-Unis. La nouvelle de l'arrivée de Noriega dans la résidence du nonce apostolique du Vatican à Panama City remonte jusqu'à Washington. Moins d'une heure plus tard, l'ambassade du Vatican est bouclée par des centaines de Marines et leurs blindés. Dans le même temps, le secrétaire d'État américain, James Baker, appelle Rome et exige du Vatican qu'il lui remette Noriega. Les Américains n'ont pas l'habitude d'attendre. Ils vont pourtant devoir prendre leur mal en patience. Car le pape Jean-Paul II n'a pas l'intention de céder. Certes, l'affaire Noriega embarrasse au plus haut point le Saint-Siège. Certes, le pape considère le général comme un criminel et non comme un prisonnier politique. Mais pour autant, Jean-Paul II refuse la demande des Américains. Sauf qu'en secret, là où les vraies décisions se prennent, le nonce Laboa échange avec Washington pour négocier la reddition de Noriega. Un temps, on évoque la solution de transférer le général en Espagne ou en Amérique du Sud, mais les uns après les autres, tous les pays contactés refusent. Chacun d'eux craint à son tour d'être envahi par les États-Unis, même si l'on a peine à imaginer une guerre entre l'Espagne et les USA, hypothèse surréaliste. Pendant une semaine, la guerre des nerfs entre le Saint-Siège et Washington menace de virer à la crise diplomatique. Mais elle ne fait pas la une de l'actualité internationale. Car si la maison brûle au Panama, le monde regarde ailleurs. En l'occurrence, vers la Roumanie, où un autre affreux jojo au pouvoir, flanqué de sa femme tout aussi inquiétante, le couple Ceausescu, va bientôt être éjecté par une improbable révolution dans le sillage de la chute du communisme en Europe de l'Est. Et heureusement pour les Américains, car au Panama, chaque heure qui passe est vécue comme une humiliation. À bout, George Bush refuse d'attendre davantage. Les militaires américains prennent alors la décision de rendre la vie infernale à Noriega pour le pousser à sortir. Et pour y parvenir, les Marines utilisent une arme inédite, les riffs de Keith Richards. La patience des uns et des autres semble atteindre le point de rupture. Le porte-parole du Vatican n'a pas fait dans la nuance pour justifier une fois de plus le refus de l'Église d'expulser Noriega de son ambassade à Panama City. Le Vatican, a-t-il dit, ne compte pas se plier aux injonctions d'une puissance occupante, tout en ajoutant que Noriega n'était pas à l'hôtel et qu'il était temps que la situation évolue. En attendant, les troupes américaines qui encerclent l'Annonciature continuent de se livrer à leur petite guerre psychologique à l'encontre du dictateur en cavale. Les haut-parleurs continuent de cracher du rock'n'roll à plein décibels, dans une ambiance assez surréaliste de kermesse militaire rappelant les bonjours du Vietnam. La journée de Manuel Noriega démarre régulièrement par un retentissant « Good morning Panama », l'indicatif de la radio du corps expéditionnaire américain. Noriega, le fanat d'opéra, doit souffrir des heures durant en entendant Mick Jagger et Phil Collins. On peut tout de même se demander si cette action psychologique est de nature à mettre un terme à cette mascarade qui n'arrange ni les États-Unis, ni le Vatican, ni les habitants du Panama. Jean-Luc S. Washington, France Inter. Dans la presse américaine, les jours se suivent et les articles sur le Panama s'enchaînent, chacun d'entre eux dépeignant le général Manuel Noriega comme une marionnette aux ordres de narcotrafiquants. Tout cela est vrai. Noriega a la poudronnée, mouillé jusqu'au cou dans les affaires avec les cartels colombiens. Au Panama d'ailleurs, on le surnomme Monsieur 10%, lui qui touche des commissions sur toutes les combines. Parmi ses amis, il y a un homme dont le nom fait frémir les Américains, un certain Pablo Escobar, le plus puissant baron de la drogue à l'époque. Au micro de France Inter, Philippe Burin-Desrosiers, spécialiste de l'Amérique latine, explique comment le Panama de Noriega est étroitement lié au trafic de drogue. Noriega a un rôle très important dans le blanchiment de l'argent, mais également parce qu'il fournissait une aide pour à la fois pour dissimuler, cacher les trafiquants qui pouvaient se réfugier à Panama, et également pour exporter éventuellement de la marijuana ou la cocaïne directement, et en prêtant les aéroports du pays pour le trafic. C'est un homme, l'homme fort, comme on dit, c'est-à-dire un homme qui a le goût du pouvoir, qui est prêt à tout pour garder le pouvoir. C'est un homme qui aime l'argent, et donc qui contrôle également lui, mais pas seulement lui, puisque ça peut être en lien avec l'institution elle-même, c'est-à-dire la garde nationale. Et c'est un homme aussi qui est prêt, qui n'a pas peur de se salir les mains. Mais derrière les photos de Noriega, ce petit homme métis, bedonnant, au visage carré, boursouflé, regard inquiétant et peau grêlée, une véritable tête d'ananas, se cache une toute autre histoire. Car son irrésistible ascension, son statut de chef de guerre et même de contrebandier, c'est à la CIA qu'il le doit. Oui, c'est bien l'agence de renseignement américaine qui a récupéré Noriega, alors jeune homme originaire d'une famille pauvre, et qui a fait de lui le militaire, puis le dictateur qu'il est aujourd'hui. Et toujours pour les mêmes raisons. Combattre le communisme, éviter que les pays d'Amérique centrale ne se rapprochent de Cuba, donc de l'URSS. Ainsi, pour l'année 83, par exemple, Noriega reçoit des États-Unis plus de 200 000 dollars. C'est deux fois plus que le salaire annuel du président américain de l'époque, Ronald Reagan. Mais il y a encore plus incroyable. L'homme qui supervisait et réglait son salaire à l'agent Noriega pendant un temps n'était autre que George Bush lui-même, quand il était directeur de la CIA. Ce même George Bush, devenu président des États-Unis. Alors, comment expliquer que l'ancien agent Noriega soit devenu un ami encombrant pour les Américains? Réponse sur France Inter. Le parcours de Noriega donne le vertige. Il a longtemps collaboré avec la CIA, dont George Bush fut le patron de 1976 à 1977. À Washington, il a reçu il y a quelques années les félicitations du DEA, l'organisme chargé de la lutte antidrogue, pour son aide précieuse. À Paris, il a obtenu la Légion d'honneur. Et à Miami, il est inculpé de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs et risque aujourd'hui 145 années de prison. Pour les Américains, Noriega n'est plus fréquentable, il devient encombrant. On connaît la suite. Agent double, voire triple. triple si l'on compte aussi ses accointances avec le régime sandiniste de Manuel Ortega au Nicaragua et celui de Fidel Castro à Cuba. Manuel Noriega, personnage multi-rôle et multi-cartes, joue donc sur plusieurs tableaux. Mais son erreur, c'est d'avoir fait du Panama une plaque tournante du trafic de drogue des cartels colombiens. Qu'il bafoue les résultats d'élections, emprisonne et torture ses opposants politiques, cela ne dérange pas les Américains. Et qu'ils se mettent à aider les cartels, là non. Ambassade du Vatican, Panama City, mercredi 3 janvier 1990. Voilà plus d'une semaine que le général Noriega s'est réfugié chez le nonce apostolique Laboa. Pour trouver une issue à cette crise, le pape Jean-Paul II a fait dépêcher sur place l'un de ses plus proches évêques afin de négocier la reddition de Noriega. Dehors, les haut-parleurs géants installés par les Américains sur les toits des maisons continuent de cracher du rock'n'roll. On peut aussi entendre des messages en espagnol dans lesquels un journaliste annonce notamment que les comptes bancaires du général en France et en Suisse ont été gelés. En milieu de journée, plusieurs milliers de personnes manifestent au cri de « Tuer ce Hitler » et brandissent des ananas plantés sur des pics, comme si bien sûr il s'agissait de la tête de Noriega. Il est 17h30 lorsque le téléphone sonne au quartier général des forces américaines installées à Panama City. Au bout du fil, Monseigneur Laboa annonce que le général Noriega accepte de se rendre, mais qu'il exige que soient réunies 4 conditions. 1. Pouvoir appeler sa femme, et même réfugiée à l'ambassade de Cuba. 2. En tant que général, il veut être accueilli par un officier de l'état-major des États-Unis. 3. Il ne veut aucune caméra, aucun journaliste, aucun média. Enfin, et c'est là tout le personnage, il veut porter son uniforme de parade. Les Américains acceptent sans broncher. En milieu de soirée, ce mercredi 3 janvier, Noriega quitte l'ambassade du Vatican à Panama City. Seul, avec entre ses mains une Bible et une brosse à dents. Une Jeep militaire et des agents de la DEA, le service d'enquête antidrogue aux États-Unis, l'escortent jusqu'à un terrain d'aviation. Moteur tournant, un avion de transport militaire attend. Destination, une base militaire secrète sur le territoire des États-Unis. Hier, général, président, dictateur, régnant en maître absolu sur la vie de plus de 2 millions de personnes et sur le trafic du canal de Panama, Noriega n'est plus désormais qu'un simple détenu du système carcéral américain. 2 ans plus tard, lors de son procès aux États-Unis en 1992, il est condamné à 40 ans de prison pour trafic de drogue et meurtre. Il bénéficie d'une remise de peine pour bonne conduite en 2007. Il est alors extradé en France où il est accusé de blanchiment d'argent. Il est jugé à Paris et condamné à 7 ans de prison supplémentaire, puis emprisonné. En 2011, il quitte la France pour le Panama où une peine de 60 ans l'attend pour sa responsabilité dans la disparition d'opposants. Il meurt au mois de mai 2017 dans un hôpital panaméen à l'âge de 83 ans. Noriega laisse derrière lui le souvenir d'un tortionnaire, d'un voleur, d'un voyou, d'un trafiquant de drogue. Une image qui ferait presque oublier que cet homme, avant d'être considéré comme un bourreau et un paria, fut surtout un agent des services secrets américains et un allié des puissances de l'Ouest avec qui il a travaillé et collaboré pendant plus de 20 ans. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Bush contre Noriega, chasse à l'homme au Panama. On en parle avec notre invité Gaspard Estrada. Bonjour. Politologue, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Vous êtes venu déjà une fois pour nous parler du Brésil. Et alors, beaucoup d'auditeurs ont fortement apprécié vos explications. Une longue liste, une cascade de réactions formidables. On a enfin compris ce qui se passe au Brésil. Merci, bravo. Il vous reste à faire aussi bien maintenant. Alors, à l'écoute de ce récit concernant le Panama, on a l'impression que ce pays est une victime, comme d'autres pays d'Amérique latine avant lui, de l'impérialisme américain dans son précaré dans les années 80. Est-ce que cette opération d'invasion au Panama est similaire à ce qu'on a pu voir ailleurs, comme par exemple à la Grenade du temps de Ronald Reagan? Alors oui, il faut bien replacer tout ça dans le contexte de l'époque, et c'est ce que votre émission a très bien réussi. C'est justement à expliquer, voilà, 89, c'est la chute du mur, c'est Ceausescu. C'est aussi une année particulière en Amérique latine, et notamment dans le pays voisin du Panama, la Colombie. C'est l'année où Galán a été assassiné. C'était un dirigeant du Parti libéral qui souhaitait mener des réformes sociales, une réforme agraire, et qui était candidat aux élections présidentielle de 1990, et il a été assassiné, et cela a provoqué une très grande secousse en Colombie. Et donc il faut bien avoir en tête ce contexte régional, avec, de manière plus générale, des transitions vers la démocratie en Amérique latine. Il y a une élection très contestée au Mexique en 88, il y a la première élection présidentielle directe au Brésil en 89. Donc les pays latino-américains transitent progressivement de la dictature militaire vers la démocratie. Et donc, dans ce contexte-là, les États-Unis cherchent justement à redorer leur blason, et donc de chercher à mettre en scène justement ce trafiquant voilà, qui consomme de l'alcool, des drogues, et qui met à mal son pays. Sauf que, voilà, ils oublient un peu au passage toute cette histoire que vous avez rappelée. Cela dit, les Américains, c'est pour ça que la DEA a été créée, font la chasse aux cartels de drogue, parce que beaucoup de centaines, milliers de jeunes, voire de moins jeunes aux États-Unis, meurent de la drogue, de l'overdose. Enfin, c'est un fléau. Et tous les présidents américains sont quand même très soucieux de ça. En tout cas, ils donnent l'impression. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une politique qui naît en 1971 avec Nixon. C'est lui qui déclare pour la première fois que l'ennemi public numéro un des États-Unis est le narcotrafic et le crime organisé. Et tout ça est très très très important, de voir ce qui se passe au Panama, mais aussi en Colombie, au Mexique à cette époque-là. Parce que, et ça c'est ce qu'on a su par la suite, c'est que ce sont les services américains, la CIA et la DEA, qui ont fait la jonction entre les cartels colombiens et les cartels mexicains. Et on l'a su par la suite avec l'affaire de Irán Contras, notamment le financement en Amérique centrale, une fois encore, d'argent des cartels contre les armes servant à financer justement la contre-guérilla financée par les États-Unis. Cette opération-là au Panama était peut-être particulièrement sensible parce qu'il y a ce fameux canal dont on comprend par la situation géographique tout l'enjeu qui peut représenter, l'enjeu commercial et géopolitique. Sans aucun doute, c'est vraiment un des lieux, disons, dont l'importance géostratégique est la plus importante à l'échelle mondiale. C'est pas étonnant que les grandes puissances s'intéressent, de manière, disons, historiquement, à l'avenir du canal. Faut pas oublier aussi que la France, via Fernand de Lesseps, était à l'origine le créateur de cette idée de canal. Suez, absolument. En l'occurrence. Mais aussi au Panama. Bien sûr. Donc de ce point de vue-là, il y a cet intérêt des grandes puissances, et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le nouveau acteur, la Chine, s'intéresse de plus en plus au Panama, au risque même aujourd'hui de remettre en question cette suprématie américaine. Et quand vous dites s'intéresse, concrètement comment? Par des accords commerciaux? Tout d'abord en reconnaissant le fait qu'il y ait un dialogue bilatéral entre le Panama et la Chine. Cela n'existait pas jusqu'en 2017. Les pays latino-américains, et notamment en Amérique centrale, sont les pays qui aujourd'hui résistent encore aujourd'hui à la pression de Pékin pour reconnaître la souveraineté de Pékin sur Taïwan. Et jusqu'à 2017, le Panama avait des relations diplomatiques avec Taïwan. Or, avec la fin de cette reconnaissance par le Panama de Taïwan et donc le rehaussement des relations bilatérales avec la Chine, eh bien c'est toute la géopolitique du Panama et de l'Amérique centrale qui est en train d'évoluer. Et c'est quelque chose qui inquiète les États-Unis, puisque à partir du moment où il y a cette augmentation des relations bilatérales, il y a des investissements chinois. Et il est clair que pour les États-Unis, le contrôle vraiment de ce qui se passe dans la zone franche de Colón, c'est le nom officiel du canal de Panama, c'est un enjeu tout à fait primordial. Quel était le sentiment finalement des Panaméens? Certains ont dit, j'ai entendu des archives, bon débarras, en gros, mais en même temps, il y a ce côté impérialisme américain. Est-ce que la population oscillait entre deux sentiments contradictoires? Oui, et d'ailleurs qui vient de loin aussi. L'histoire du Panama est étroitement liée aux États-Unis. D'ailleurs, certains estiment que la création de l'État panaméen a été en partie rendue possible par l'intervention américaine, justement pour détacher le Panama de la Colombie et faire en sorte que le contrôle du canal soit beaucoup plus aisé pour une puissance extra-latino-américaine. Et donc, de ce point de vue-là, cette relation ambivalente avec les États-Unis existe depuis longtemps. Elle a eu tendance à s'aggraver. Et justement, l'intervention américaine, le fait de la présence sur place de militaires américains. Mais aujourd'hui, le principal partenaire commercial du Panama, c'est la Chine, une fois encore. Et donc, une fois encore, on voit bien qu'il y a de nouveaux mécanismes qui sont à l'œuvre et qui remettent en question cette suprématie américaine. On va se retrouver dans 2 minutes et demie. Je me suis laissé dire que les habitants des villes portuaires d'Amérique du Sud étaient fatigués. En tout cas, c'est ce que chante Bernard Lavilliers. Fatigués les porterios, fatigués toujours de l'avoir dans l'os. Inflation, chômage et des promesses, pays du futur, mais rien ne presse. Traîne un peu les pieds dans l'inflation, qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les porterios sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés. Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués. Par les temps qui courent, investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminer les rêves d'argenter, c'est pour les poètes et pour la rime. Douloureux dollars les a usés, oui les porteños sont épuisés. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés. Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués. Alors chaman, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés. Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués. Thank you. France Inter. Affaires sensibles. Gaspar Estrada, spécialiste de l'Amérique latine. Je ne sais pas si les Panaméens sont fatigués, mais à quoi ressemble la société panaméenne aujourd'hui? L'an dernier, en plein été, le pays a été frappé par des émeutes, des protestations. La situation est redevenue normale? Oui et non. Oui, dans le sens où l'ampleur des mobilisations a diminué depuis l'été 2022, même si ces dernières semaines, il y a de nouvelles manifestations, de nouvelles mobilisations, de nouveaux blocages dans les routes qui sont intervenus. Non, dans le sens où les éléments plus structurels qui sont à l'origine de ces mobilisations, à savoir les inégalités, la pauvreté, les fruits de la pandémie, et c'est l'impact décisif de la pandémie dans cette aggravation des indicateurs sociaux, reste présent. Et donc de ce point de vue-là, l'élément qui avait déclenché cette mobilisation, à savoir l'augmentation des prix des carburants, l'inflation des aliments, qui est en partie due à la guerre en Ukraine, reste présent, même si voilà, le gouvernement a ici ou là mobiliser les ressources de l'État pour créer des subventions et éviter que cette fronde se développe. Et d'une manière générale, alors en Amérique latine, vous le dites, il y a une concurrence qui pointe, la Chine même plus que ça, mais d'une manière générale, quelles sont les relations des États-Unis aujourd'hui avec ce qu'ils considèrent peut-être encore aujourd'hui comme leur précaré? Je veux parler de l'Amérique latine, donc centrale et du Sud. Oui, je pense que c'est une situation qui est très paradoxale. Cette situation était vécue, elle est toujours intériorisée par une partie des élites américaines et latino-américaines. Cela étant dit, vraiment, la donne a changé. Je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique latine est un territoire qui est concurrencé, où c'est un espace de compétition entre les États-Unis, la Chine. Et ce qui est d'autant plus prégnant, c'est que jusqu'à présent, c'était surtout l'Amérique du Sud qui était touchée par ce phénomène. Aujourd'hui, la Chine est le principal partenaire commercial, je l'ai dit, du Panama, mais aussi du Brésil, de l'Argentine, du Chili, du Pérou. Donc ça devient beaucoup de choses, beaucoup de pays. En revanche, l'Amérique centrale et le Mexique restent, disons, liés économiquement à l'espace nord-américain, notamment via l'ALENA, le traité de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique. Cela étant dit, là encore, les choses évoluent. Et de ce point de vue-là, je sens du côté américain une certaine forme de continuité dans les politiques, une certaine forme de condescendance aussi vis-à-vis de l'Amérique latine, et une volonté, certes, de contrecarrer cette ambition chinoise, mais avec peu d'outils finalement pour mettre fin à cette ascension de la Chine. Alors on va revenir au fait, à cette invasion du Panama par les Américains, pour un point sur lequel je voudrais revenir. Quelques jours après l'arrestation de Noriega, au micro de France Inter, le correspondant à Paris pour le Boston Globe, Ronald Cowan, explique que Noriega n'était qu'un pion pour les Américains, mais qu'il avait certainement pas mal de dossiers sur eux. On peut imaginer que Noriega fasse une sorte de chantage à la révélation pour se sauver la peau, pour avoir une réduction de peine, etc. Ça va être assez fascinant à voir. C'est dans notre système judiciaire tout à fait sans précédent qu'on traîne un chef d'État devant la justice. Lui seul sait ce qu'il a dans ses fiches. C'est le genre de personnage qui a dû garder ses fiches et qui a dû les garder aussi précieusement que l'argent qu'il a mis de côté. Le président Bush sait très bien ce qu'il a à se reprocher, lui, parce qu'il était directeur de la CIA au moment où M. Noriega était un honorable correspondant de haut niveau de la même agence. Et Noriega et Bush savent quels sont les dégâts que Noriega est capable de causer à la présidence des États-Unis. Mais si véritablement il a des cartes en main, on peut compter que d'une manière ou d'une autre, il va les jouer. Bon, j'imagine que vous adhérez à ça. Oui, d'autant plus que le système judiciaire américain, je pense, contribue à renforcer ce mécanisme de délation. On l'avait évoqué pour le cas du Brésil, et oui, les délations récompensées. Et il me semble que ce système américain pousse justement à ce qu'il y ait des collaborations entre, d'une part, le pouvoir judiciaire et les présumés coupables. Alors quand on dit Panama, on peut entendre aussi Panama Papers. En 2016, le Panama a vu son nom placardé une nouvelle fois à la une de l'actualité dans le cadre de l'affaire des Panama Papers. Alors rappelons que cette affaire était liée à la fuite de plus de 11 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Des documents qui offraient des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore, ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés et parmi elles, un grand nombre de personnalités, de plaques tournantes du trafic de drogue. Le Panama est-il devenu un paradis fiscal ? Oui, selon les agences qui s'occupent de la lutte contre le blanchiment d'argent, le Panama est régulièrement classé dans la liste grise, parfois la liste noire, en fonction des années. Il est vrai que le Panama a notoirement développé sa surface sur le plan de la place financière. C'est ce qui lui a permis justement à ce pays d'avoir des taux de croissance asiatiques, contrairement au reste de ses voisins latino-américains et notamment centra-américains. Le problème de la régulation, néanmoins, s'impose compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, des révélations faites par les médias. Et de ce point de vue-là, il y a encore des progrès à faire au Panama. Quelle est la nature du régime politique du Panama aujourd'hui ? Aujourd'hui, il s'agit d'une démocratie, donc il y a des élections depuis 1989. Justement. Absolument, donc avec des alternances à la tête de l'État. Cela étant dit, la qualité des institutions aujourd'hui reste une question. Et il y a beaucoup de revendications sociales. Je le disais, le Panama est un pays très inégal. Et il y a beaucoup de crispations dans la société panaméenne autour de ces deux univers qui cohabitent. D'une part, cette finance qui est intégrée à la mondialisation. Et d'autre part, un marché du travail qui est, lui, beaucoup plus précaire et avec une économie qui vit du canal, de l'exportation du cuivre, du tourisme et de la finance. Alors, on le voit dans certains pays qui ont eu au pouvoir ce que j'appelle les affreux Jojo, des dictateurs infréquentables qui ont fait souffrir la population. Il y a parfois une certaine nostalgie de la part de certains concernant ces dictateurs. Quels souvenirs laisse Noriega ? Est-ce qu'il y a encore des nostalgiques de Noriega ou vraiment les Panaméens ont conscience qu'ils ont eu quelqu'un de pas fréquentable ? Je pense que les Panaméens ont tourné la page en ce qui concerne Noriega. En revanche, cette volonté d'avoir des solutions rapides, de mettre fin aussi aux questions liées à l'insécurité qui se développe en Amérique centrale, produit des dirigeants qui sont de plus en plus autoritaires et une régression de la démocratie. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans les pays centra-américains notamment, que ce soit au Salvador, au Guatemala. Et malheureusement, ce discours ultra-sécuritaire, contraire aux droits de l'homme, se développe y compris au Panama. Merci infiniment, Gaspard Estrada, pour toutes vos lumières, cette fois sur le Panama. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la traque de Noriega, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dubon.